Bonjour et bienvenue dans le nouveau magazine scientifique de France Inter, Du vent dans les synapses. Quel plaisir pour moi de vous retrouver désormais tous les samedis à 15h. Nous aurons 2 heures pour explorer le monde des sciences et exercer notre curiosité tous azimuts dans les labos et sur le terrain. Aujourd'hui, nous commencerons par plonger dans les méandres de notre cerveau avec le neurologue Laurent Cohen. Votre cerveau baigne dans un liquide dont la quantité est très supérieure à la normale. Je pourrais vous taper sur la tête toute la journée avec ce gourdin chirurgical sans réussir à vous envoyer au tapis. Puis nous passerons en revue l'actualité scientifique de ces derniers jours avec Cécile Bonneau de Science et Vie, Mathieu Novak de Science et Avenir et Sophie Bécherel de France Inter. Au programme de nos discussions, une collision cataclysmique dans la prime jeunesse de la planète Jupiter, l'autorisation faite au Japon de cultiver des organes humains dans des embryons d'animaux et la découverte archéologique du plus grand site de sacrifice rituel d'enfants au Pérou. Enfin, toutes les semaines, en deuxième heure, nous partirons explorer de nouveaux mondes étranges et au mépris du danger, nous avancerons vers l'inconnu. Aujourd'hui, à 16h, le plongeur naturaliste Laurent Balesta nous racontera l'expédition qu'il a menée en juillet dernier, pendant 28 jours dans les profondeurs de la mer Méditerranée. Voilà pour le sommaire de ce premier numéro du nouveau magazine scientifique de France Inter, réalisé par Marie-Hélène Fauquet et préparé par Rebecca de Nantes, avec à la technique Florent Bujon. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. En fait, un neurone est en contact avec le neurone voisin par l'intermédiaire de structures particulières qu'ils appellent des synapses. C'est où qu'on commande ? C'est ici qu'on commande ! Au même instant, sur un banc du Square Villette, Félix L'Herbier découvre que le nombre de connexions possibles dans un cerveau humain est supérieur au nombre d'atomes dans l'univers. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un ? Eh bien, ce que vous avez dans la tête, c'est une masse qui, au fond, n'est pas très considérable, et c'est le cerveau. Et derrière votre front, ici, vous avez les lobes frontaux. Derrière, au niveau de la nuque, vous avez les lobes occipitaux, et puis sous les tempes, les lobes temporaux. Et derrière, ce que vous avez derrière la tête, c'est le cervelet. Par conséquent, ce que vous avez dans la tête, c'est cette masse. Bonjour Laurent Cohen. Bonjour. Je suis très heureux de commencer cette première avec vous. Vous êtes professeur de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Alors si on veut comprendre le fonctionnement de notre cerveau, il faut commencer par le démonter pièce par pièce. C'est une bonne approche ? Oui, c'est-à-dire que c'est pour le cerveau comme à peu près pour toutes les sciences. On choisit un objet, un sujet, quelque chose qu'on veut étudier, et puis on le simplifie, on fait comme s'il était beaucoup plus simple qu'il n'est vraiment, et on le coupe en morceaux, d'une façon ou d'une autre. Alors si on le découpe en morceaux et que l'on zoome à l'intérieur, de quoi est fait notre cerveau ? Beaucoup d'eau ! Il y a beaucoup d'eau dans le cerveau. Beaucoup d'eau comme dans tout le corps. Ouais. Hein. On vient tous, chacun d'entre nous vient d'une petite cellule, un petit œuf qui était dans le ventre de notre mère, et puis ça se divise, 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, etc. Au début, elles sont toutes plus ou moins pareilles, et puis à partir d'un moment, elles se différencient, et on a des cellules qui vont donner de la peau, du foie, de la rate, et puis certaines vont donner des neurones. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces neurones ? Eh bien, d'une part, ils ont une forme incroyable, c'est-à-dire que chaque neurone est comme une espèce de buisson, d'arbre ultra touffu avec des tas de branches et de prolongements. Deuxièmement, il y a de l'électricité qui circule dans ces branches et l'électricité saute de branche en branche, de neurone en neurone. Et donc il y a des espèces de vagues comme ça d'électricité qui parcourent le cerveau et qui sont nos pensées. Dans tout ça, les synapses, c'est quoi ? Je suis obligé de vous poser la question avec le titre de cette émission. Alors, les synapses, c'est justement les petits points de contact entre les neurones. Alors, chaque neurone a des milliers de synapses avec des milliers d'autres neurones, parce que tous ces buissons sont extrêmement emmêlés et enchevêtrés les uns avec les autres. Donc, une synapse, c'est un petit espace qui permet d'entrer en contact entre deux neurones. Et alors, au 19e siècle, on ne savait pas on n'était pas sûr que c'était des neurones séparés et qu'il y avait un petit saut à faire d'un neurone à l'autre par les synapses. On croyait que c'était continu, que c'était une espèce d'unique neurone gigantesque, etc. Maintenant, on sait que c'est des neurones séparés, des cellules séparées et qu'il faut que l'électricité saute par les synapses, d'un neurone à l'autre. Alors toute la difficulté pour les chercheurs, c'est d'établir le lien entre ces structures, ces neurones, ces connexions, et puis les fonctions, toutes les fonctions qu'est capable de remplir un cerveau, la mémoire, commander les mouvements, prendre des décisions, rêver, imaginer. Alors vous imaginez la difficulté. Autrement, oui. Parce que, évidemment, vous partez d'un truc, une synapse, c'est tout petit, et c'est un peu bête, d'une certaine manière, et vous voulez expliquer comment on fait pour écrire à la recherche du temps perdu. C'est ça. Il y a un problème d'échelle. C'est-à-dire que c'est comme des poupées russes. Quand vous voulez étudier le cerveau, eh bien, il y a plein de manières imbriquées les unes dans les autres de faire. C'est-à-dire que si vous prenez, je sais pas, à l'Institut du cerveau et de la moelle, par exemple, où je travaille, eh bien, il y a des gens qui passent leur vie à étudier une molécule. Comment elle marche, à quoi elle sert, etc. Il y a des gens qui étudient un truc un peu plus gros. Ils regardent comment marche un neurone, comment fonctionne la physiologie d'un neurone. Il y en a d'autres qui étudient des petits circuits, comment une demi-douzaine de neurones font pour se causer entre eux, etc., etc., jusqu'à un niveau assez global où on regarde des choses comme le langage, la mémoire, la vision, en se disant à quoi sert telle ou telle région du cerveau, comment est-ce qu'elle communique avec telle autre. Donc, on peut zoomer plus ou moins, et ce sont des sciences différentes, avec leurs méthodes à elles, mais qui doivent se causer entre elles. Ouais. Alors vous, votre approche à vous, Laurent Cohen, est plutôt macroscopique. Hein. Par exemple, la lecture, vous êtes beaucoup intéressé aux mécanismes cérébraux qui sous-tendent la capacité de lire. Oui, alors je crois que le fait que moi, par exemple, et d'autres, on regarde les choses de façon, comme vous dites, macroscopique, vue d'un peu loin, à quoi sert telle ou telle région du cerveau, c'est parce que je suis neurologue. Et qu'un neurologue, c'est-à-dire un médecin qui se spécialise dans le domaine du cerveau, il voit pas les petites cellules, les petites synapses, etc. Il voit un patient chez qui il y a une panne de quelque chose, il peut pas bouger la main droite, il peut pas bouger la main gauche, il peut plus parler, il peut plus voir, des choses comme ça. Et donc ça oblige à regarder les choses de façon un peu globale et pas dans le détail de la physiologie. Et là c'est vraiment une approche, c'est-à-dire détecter une panne, voir un dysfonctionnement précis du cerveau et en conclure la région qui est impliquée dans ce fonctionnement en temps normal. Un exemple, le cas d'une agnosie visuelle. Nous sommes en 1966, ce cas est présenté sur la RTF. Ce malade voit parfaitement bien les objets que je lui ai présentés. La zone de son cerveau, qui est chargée d'identifier les messages visuels, est chez ce monsieur lésée. Il peut donc parfaitement voir, mais il est incapable de reconnaître et d'intégrer les messages visuels. Il est comparable à un aveugle qui voit. Je vais vous présenter des objets et je vais vous demander de les identifier, monsieur, de me dire quel est le nom de l'objet que je vous présente. Quel est cet objet, monsieur? Vous ne le voyez pas? On dirait une montre. Une montre. Oui, mais... Touchez-le. Une pièce. Une pièce. Très bien, monsieur. Et cet objet, quel est-il? Ça, on dirait un stylo. Un stylo, vous voulez bien essayer de le toucher? Oui. Qu'est-ce que c'est? Ça serait de la craie. Bien. Alors dans ce cas-ci, le patient avait besoin de toucher pour identifier l'objet. C'est-à-dire qu'on lui présente une craie, il pense que c'est un stylo, à partir du moment où il la touche, il identifie la craie. Pareil avec la pièce de monnaie, il la prend pour une montre, à partir du moment où il la touche, il comprend à quoi il a affaire. Vu de l'extérieur, c'est très spectaculaire. Alors ce genre de... c'est très spectaculaire, et au 19e siècle, c'est en étudiant des cas comme ça qu'a démarré notre science finalement, ouais. En se disant, voilà, quelle est la panne exactement qu'a ce patient. Et c'est des choses qui attirent l'attention, on se dit, il faut comprendre ce qui se passe là. Mon premier bouquin qui s'appelle « L'homme thermomètre », ça fait référence à un homme que j'ai connu et qui était un peu comme le patient ou la patiente dont qu'on entend sur ce son, qui, quand on lui montrait un objet, au moins certains jours, eh bien, il disait chaque fois, mais c'est un thermomètre, ça sert à mesurer la température, etc. Et lui aussi, quand il pouvait le tripoter, il reconnaissait ce que c'était. Et au-delà, évidemment, de l'aspect médical des choses, c'est-à-dire que ce sont des gens qui éventuellement souffrent, dont il faut s'occuper, mais indépendamment de l'aspect médical, c'est des choses qui sont extrêmement informatives. Et qui, même aujourd'hui, où c'est un petit peu passé de mode, parce que l'imagerie cérébrale a un peu pris le devant, ça reste, à mon avis, une source d'information vraiment précieuse. Ouais. Et il y a toujours des cas vraiment spectaculaires. Hein. Suite à un accident cérébral, un homme est persuadé qu'un sosie remplace sa femme dès que celle-ci tournait le dos. Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Capgras. Bah, c'était décrit par un psychiatre français du nom de Capgras. C'est un truc incroyable. Alors d'habitude, c'est pas les accidents vasculaires qui donnent ça, mais enfin, ça peut se voir dans différentes circonstances. Mais c'est effectivement la conviction que quelqu'un qu'on connaît bien n'est pas celui qu'il a l'air d'être. Et je me souviens d'un patient comme ça qui était certain, il nous avait expliqué que c'était vraiment bizarre. Que de temps en temps, sa femme sortait et puis à ce moment-là, il y avait une dame, une amie, il ne savait pas très bien qui lui ressemblait d'une manière incroyable, et qui revenait, qui prenait sa place, et qui voulait qu'il s'occupe d'elle, etc. Puis elle ressortait, et puis sa femme revenait peu après. Mais que c'était deux personnes différentes. Et ça, c'était lié à une lésion précise, à un endroit du cerveau. Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'explique pas par une lésion unique à un endroit du cerveau, mais pour lequel il y a une proposition d'interprétation, si on combine deux lésions. D'une part, une lésion qui fait qu'il n'a pas le sentiment de familiarité de temps en temps. Vous, à sa femme, il n'a pas l'impression de familiarité. Il la reconnaît, mais ça ne lui dit pas grand-chose émotionnellement. Et en plus, une autre lésion qui fait qu'il accepte sans difficulté une explication loufoque, en fait, qui est de dire que sa femme a été remplacée par quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, l'explication n'est pas toujours simple. Mmh. L'explication, très souvent, ne fait pas appel à une lésion, mais à la combinaison de plusieurs lésions, parce que dès que vous faites quelque chose, en fait, il n'y a jamais une partie de votre cerveau qui travaille. Si vous lisez, vous calculez, vous réfléchissez, vous bougez, il y a toujours tout un réseau de régions cérébrales qui collaborent. Il y a un cas très célèbre qui date du 19e siècle aux États-Unis. Le monsieur s'appelait Phineas Gage. Que lui est-il arrivé ? Ah, c'est une histoire incroyable, ça. C'est effectivement un des grands cas fondateurs du 19e siècle. Le type était contremaître sur les chemins de fer qu'on a construits au 19e siècle entre la côte est et la côte ouest. Et c'était un type très sérieux, un très bon contremaître. Bon, un jour, il est allé vérifier qu'une charge explosive était bien placée dans un rocher. Et donc, il a pris une barre à mine, une espèce de grande barre métallique. Il a délicatement tapoté au fond du trou dans lequel on avait mis un explosif. Malheureusement, il a peut-être tapoté un peu fort. Ça a explosé et la barre à mine a décollé comme une fusée. Elle lui est rentrée dans une joue. Et il est ressorti par le haut de sa tête après avoir traversé un morceau de son cerveau. Et il est tombé 100 mètres plus loin. Alors, il a survécu à alors ça. Alors le premier miracle, effectivement, il a survécu, il a été très bien soigné par le médecin de la ville. Et il a récupéré, il n'était pas paralysé, il pouvait parler, il pouvait voir, etc. Mais il y avait eu des changements importants dans sa personnalité, dans des traits subtils de sa personnalité. C'est un cas qui a été un peu remis au goût du jour dans les années 80 par Antonio Damasio et Anna Damasio qui ont repris ce cas et qui ont dit, ben voilà, en fait, ce qui a été endommagé, c'est une partie dans l'avant du cerveau qui est très importante pour la prise de décision sociale notamment. Apprécier des finesses de l'adaptation sociale. Et le type n'était plus ponctuel, n'était plus sérieux, il est devenu clochard, etc. etc. Ouais. Son tempérament avait été totalement transformé, sa personnalité, à cause de ce morceau de cerveau endommagé. Ce qui est une illustration du fait que même des choses subtiles, abstraites, comme ça, on pourrait dire, oh là, ça c'est l'âme, c'est l'esprit. Ben, oui, c'est l'âme, c'est l'esprit, mais il faut bien que ça se passe quelque part. Ouais. La vision aussi est une fonction qui fait appel à différentes parties du cerveau. Et c'est très intéressant parce que, selon la partie lésée, on se retrouve encore avec des cas tout à fait particuliers. Vous évoquez des personnes dont l'œil droit voit en noir et blanc, l'œil gauche voit en couleur, par exemple. Alors ça, attention, ça si vous étiez étudiant en médecine, vous vous feriez taper sur les doigts. C'est pas l'œil droit et l'œil gauche, mais c'est la moitié droite de votre champ visuel et la moitié gauche de votre champ visuel. Ça marche même si vous avez un œil ouvert ou fermé. Expliquez pourquoi c'est une erreur de... En fait, c'est une question de câblage, si vous voulez. En fait, si vous regardez droit devant vous, tout ce qui vient dans la moitié droite de ce que vous voyez arrive à votre hémisphère gauche. Tout ce qui est dans la moitié gauche de ce que vous voyez arrive dans votre hémisphère droit. Et ça, ça passe par les deux yeux. Ça se passe par les deux yeux comme ça. Donc, c'est pas une question d'œil. Mais ça, c'est un détail. Ouais. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on sait depuis, je crois, 1888. Il y a un neurologue, un ophtalmologiste, je crois, suisse, qui a publié un cas comme ça d'une dame qui voyait en couleur dans la moitié gauche de son champ visuel et en noir et blanc dans la moitié droite de son champ visuel parce qu'elle avait eu un petit accident vasculaire du côté opposé au côté où elle voyait en noir et blanc et qui avait détruit une petite région du cerveau qui l'empêchait pas de voir en général, mais juste de construire les couleurs d'une certaine manière. Autre cas tout à fait spectaculaire et on se dit ça doit être terriblement handicapant. Une femme qui ne voyait plus tout ce qui était en mouvement. Oui, alors ça c'est extrêmement rare, ça c'est excessivement rare, mais ça existe, c'est ce qu'on appelle akinétopsie. La perte de la vision des couleurs, c'est achromatopsie, il faut faire du grec, c'est indispensable. Oui. Donc akinétopsie, effectivement, c'est ça, c'est pas la région des couleurs qui est endommagée, mais c'est la région des mouvements. Ouais. Et dans ces cas-là, tout à fait exceptionnels, eh bien les patients voient les objets immobiles et les objets disparaissent, ou une personne qui traverse la pièce disparaît dès qu'elle est en mouvement d'un côté à l'autre de la pièce et réapparaît de l'autre côté de la pièce. Ou bien le liquide dans une tasse de thé, il ne voit pas monter, et pof, ça déborde. Oui, c'est ça. On ne peut plus remplir un verre d'eau. On ne peut plus traverser la rue en toute sécurité. C'est terriblement handicapant. Oui. Mais ça ne court pas les rues, si je peux dire. Ouais, mais ça permet aussi de voir que dans le cerveau, la vision n'est pas un processus attitré à une seule région. Tout l'arrière du cerveau, il y a au moins un tiers de l'arrière de votre cerveau qui sert à voir. Et tout ce tiers, c'est pas comme une pomme de terre, c'est composé de petites régions qui chacune jouent son rôle. Une région pour la couleur, etc. Une région pour la lecture, par exemple. Dans un instant, nous poursuivons nos explorations des méandres du cerveau avec le neurologue Laurent Cohen sur France Inter. Je sais qu'il y a eu un autre rêve, on a rêvé de pouvoir localiser toutes les facultés mentales, en particulier d'après le relief du crâne. Oui, certainement. Gall, l'inventeur de la phrénologie, avait dessiné sur un crâne les différentes bosses qui pouvaient représenter les qualités des individus. Et une bosse placée à l'arrière de la tête représentait l'amour des enfants, une bosse placée à l'avant de la tête représentait la bosse de la poésie. Et encore aujourd'hui, nous parlons de la bosse des mathématiques, mais tout ça n'est pas sérieux. Oui, c'est touchant, mais oui. On ne peut pas dire que ce soit très scientifique. C'était une belle tentative. Doux réveil, au goût amer, était un cauchemar, oh non, c'était bien hier. J'ai les yeux si rouges et bombés par la nuit, ou par les pleurs, trahisés. Comme ça qui me font pleurer, leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer, dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée. C'était toi, avant t'étais à moi. Quelques heures ou quelques verres, et je dormirai jusqu'au prochain matin. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? Tes mains me manquent et moi j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer, dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée. Les matins, c'était Angèle dans Du vent dans les synapses sur France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. L'auscultation du cerveau par application d'électrodes, l'électroencéphalographie, est d'une pratique maintenant générale. Les graphiques signalent au passage les tumeurs et guident le chirurgien dans ses interventions, comme ce fut le cas dans cette opération filmée à l'Institut neurochirurgical de Budapest. Ici, sur la bande enregistrée, les accidents du tracé ont mis en évidence la zone suspecte. Minute émouvante. Sur la tête rasée du malade, on va délimiter cette zone en traçant la ligne selon laquelle sera ouverte la boîte crânienne pour permettre l'intervention. Lorsque l'ouverture aura été pratiquée, on va appliquer à nouveau les électrodes sur les lobes du cerveau mis à nu. Leurs indications permettront une localisation beaucoup plus serrée par l'interphone de la table d'enregistrement, ces indications seront communiquées au chirurgien qui pourra diriger avec le maximum de précision son intervention sur la tumeur. L'électroencéphalographie est ainsi devenue le complément du bistouri. Nous étions en 1957, extrait des actualités françaises, Laurent Cohen. Plus de 60 ans après, l'imagerie cérébrale a fait des progrès incroyables. On n'est plus toujours obligé d'ouvrir le crâne pour voir comment ça se passe. Non, il y a eu des développements remarquables et qui sont très loin d'être finis, en fait, dans l'imagerie cérébrale. Non seulement ce qu'on appelle l'imagerie anatomique, qui permet de voir la forme du cerveau comme s'il était coupé en tranches, comme si on l'avait sous un microscope, mais surtout l'imagerie fonctionnelle, c'est-à-dire voir comment le cerveau fonctionne en temps réel, c'est-à-dire pendant que vous êtes en train de faire quelque chose, de faire du calcul mental, de la lecture, bouger vos pieds, etc. Et il y a plusieurs méthodes qui se combinent, qui ont chacune leur avantage, leur inconvénient, qui permettent de faire ça. Qu'est-ce qu'on est capable de voir exactement dans un cerveau? Jusqu'où on peut voir penser quelqu'un aujourd'hui? Alors, en fait, il y a deux grandes familles de méthodes. La première famille de méthodes, c'est surtout l'IRM fonctionnelle, la fameuse IRM fonctionnelle. Alors ça se fait avec une machine d'IRM tout à fait normale d'habitude, c'est-à-dire celle qu'on utilise pour regarder ce qui se passe dans votre épaule ou dans votre dos, c'est la même, mais on l'utilise un peu différemment, qui permet de montrer bien assez précisément les régions du cerveau qui marchent pendant que vous faites quelque chose. Et ça, ça a une assez grande précision spatiale, c'est-à-dire qu'à quelques millimètres près, ça vous permet de dire où les choses se passent. Et puis il y a une deuxième famille de méthodes qui permettent moins précisément de localiser les choses dans l'espace, mais qui permettent de les localiser, si je puis dire, dans le temps, très précisément, c'est-à-dire milliseconde par milliseconde, suivre le développement de ce qui se passe dans vos pensées. Et donc, ces deux familles de méthodes se complètent. La deuxième, c'est un peu ce dont on entendait parler dans l'enregistrement, là, c'est l'électroencéphalogramme et la magnétoencéphalographie qui est sa cousine. Est-ce qu'un jour, il sera possible, selon vous, hein, c'est un peu de la prospective, mais de savoir à quoi pense précisément une personne, d'avoir une image, d'avoir un mot auquel elle est en train de penser? Alors, je pense que c'est pas en tout ou rien. C'est-à-dire qu'on dit, est-ce qu'on sera un jour capable de lire dans les pensées? On est capable de lire dans les pensées, depuis un bon moment. Alors évidemment, on peut lire dans les pensées en regardant le visage de quelqu'un. On est nous-mêmes des grandes machines à lire dans les pensées. C'est pour ça qu'on est des bons animaux sociaux. On devine ce à quoi pensent les autres. Mais enfin bon, si on veut s'appuyer sur ce qui se passe dans le cerveau pour deviner à quoi quelqu'un pense, eh bien par exemple, dans les années 90, on a montré qu'on était capable de savoir si quelqu'un était en train de penser ou bien à un visage, ou bien à une maison. Parce que dans le système visuel dont on parlait tout à l'heure, il y a des petites régions spécialisées pour la reconnaissance des visages et pour la reconnaissance des maisons. Et si vous pensez à des maisons, eh bien c'est plutôt cette région qui va s'activer. Si vous pensez à des visages, c'est plutôt la région des visages. Et ça, on peut le mesurer. Ouais. Donc on peut un peu lire dans les pensées. Et ça, c'est un exemple grossier, mais on peut faire mieux. Mais on est très, très, très, très loin, peut-être heureusement, de pouvoir mettre quelqu'un dans une machine, d'appuyer sur un bouton et de voir en cinémascope un film de ce qu'il est en train de se rêver ou d'imaginer au moment où vous le faites. Alors, grâce à ces techniques d'imagerie, des chercheurs sont parvenus à entrer en communication avec des patients qui semblaient être totalement coupés du monde, alités, ne bougeant plus, ne répondant à aucune stimulation. Mais contrairement aux apparences, ils sont encore conscients. Un exemple, ici, en 2012, aux États-Unis, avec un homme que l'on pensait dans un état végétatif depuis 13 ans, mais qui s'est révélé encore conscient à la surprise générale. Ce patient ne parle plus depuis un accident de voiture. Et pourtant, grâce à cette expérience, Scott Rootley, 39 ans, va enfin donner son avis. Ce Canadien est en état végétatif, un état où, contrairement au coma, le patient a les yeux ouverts, des mouvements réflexes, mais où il semblait jusqu'à maintenant incapable de communiquer. Imaginez que vous jouez au tennis. Les neurologues ont voulu en avoir le cœur net. Pour cela, ils s'adressent à Scott Rootley, allongé dans la machine, et lui posent des questions. Ensemble, ils ont mis au point un code. Pour répondre oui, le jeune homme doit imaginer une partie de tennis. Une zone très précise est alors stimulée dans son cerveau. Pour répondre non, il doit penser qu'il se promène chez lui. Cela active une autre zone et lui permet de se faire comprendre. Est-ce que vous souffrez ? À cette question, le cerveau de Scott Rootley s'active. Il répond non. Tu en es capable. Tu as répondu à une question. Un grand soulagement pour ses parents et une nouvelle avancée pour la médecine. Extrait d'un reportage diffusé dans le journal de France 2 en 2012. C'est assez spectaculaire, Laurent Cohen. Est-ce que ce genre de cas est rare ? Oui, c'est probablement rare, mais l'idée générale, c'est que les médecins doivent parfois décider si quelqu'un est conscient ou n'est pas conscient. Dans certains cas, c'est très facile. Mais oui. Si je vous pose une question et que vous me répondez « oui, ça va bien », je sais que vous êtes conscient. Dans d'autres cas, c'est difficile, parce qu'on peut imaginer que quelqu'un est conscient, mais ne peut pas communiquer. Comment faire à ce moment-là ? Le premier moyen, c'est d'avoir un examen clinique bien sophistiqué, précis, très attentif, avec de bonnes méthodes. Il y a des petits indices qu'on peut avoir que quelqu'un est conscient. Mais si ça ne suffit pas, eh bien, il faut développer des méthodes d'imagerie qui peuvent aider à diagnostiquer l'état de conscience. C'est ce que font, par exemple, mes collègues et amis à l'ICM, Rakobosit, Lionel Nakache. C'est essayer de trouver un canal de communication avec des patients. Alors, ils disent là, dans le reportage, que ce patient est en état végétatif. En fait, il ne l'est pas. Exact. Il ne l'est pas. C'est pas exact. Si quelqu'un est dans un état végétatif réel, ça veut dire qu'il n'est pas conscient. Il peut avoir les yeux ouverts, on peut avoir les yeux ouverts et être éveillé, mais on n'a pas de contenu conscient. Un patient comme celui dont il est question là, c'est quelqu'un qui est, selon un des vocabulaires, minimalement conscient. On est en train, avec toutes ces techniques d'imagerie, d'atteindre les confins, les limites de la conscience. Ben, la conscience, c'est un des nombreux sujets qui, jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, on pouvait dire c'est un sujet pour les philosophes, éventuellement pour les psychologues, mais c'était pour ainsi dire un sujet indigne pour des scientifiques. Alors, scientifique, il fait de la physique, il fait de la chimie, mais il ne fait pas de la conscience. Bon, ben maintenant, comme beaucoup d'autres concepts comme ça, mentaux, psychologiques, psychiques, eh bien, il a pu être ramené à un objet étudiable scientifiquement, mesurable. Pour terminer, Laurent Cohen, intéressons-nous à votre spécialité. Vos recherches à vous portent sur la lecture. On parlait en début d'émission de cette approche qui consiste à utiliser des cas particuliers avec des petites lésions cérébrales pour mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau. Et typiquement, vous vous êtes intéressé à un cas, c'était une personne qui était atteinte d'épilepsie grave. Ça vous a permis d'en apprendre plus sur les mécanismes de la lecture. Expliquez. Oui, alors ça, c'était il y a une douzaine d'années. Ouais, 2006. Oui, ça a été publié, je crois, effectivement, en 2006 ou 2007. C'était un patient qui avait des crises d'épilepsie, donc des espèces de décharges électriques comme ça, incontrôlées dans le cerveau. Et dans certains cas, les médicaments ne sont pas suffisants pour éviter les crises d'épilepsie. Et dans certains de ces cas rebelles, comme ça, eh bien, les épileptologues, les spécialistes de l'épilepsie, peuvent être amenés à proposer des opérations. L'idée étant d'enlever un tout petit bout de cortex d'où partirait la décharge électrique de la crise d'épilepsie. Encore faut-il savoir exactement d'où part la crise d'épilepsie. Et dans un encore plus petit sous-ensemble des cas, la seule manière d'avancer, c'est d'implanter des électrodes, de planter des électrodes dans le cerveau du patient. Le neurochirurgien plante des électrodes à des endroits bien précis et puis on laisse le patient dans sa chambre lire le journal et faire ce qu'il veut pendant une dizaine de jours avec des fils qui lui sortent de la tête et on enregistre. Et les chercheurs peuvent profiter d'une certaine manière de cette situation qui est médicalement justifiée pour enregistrer ce qui se passe sur ces électrodes, quelle est l'activité électrique sur ces électrodes qui ont l'intérêt d'être placées à un endroit qu'on connaît parfaitement et de voir quelles sont les activités pendant que le patient fait ceci, fait cela, fait la lecture par exemple, puisque c'est ça qui m'intéresse. Donc on a enregistré l'activité de la lecture chez ce patient. Et il s'est trouvé que une décision a été prise de retirer un tout petit bout de cerveau dont on pense qu'il est très important pour la lecture justement. Mais en pesant les avantages, les inconvénients, le risque de ne pas traiter les crises, le risque de provoquer des difficultés de lecture, la décision a été prise de l'opérer. Et donc, ce monsieur a été opéré, on lui a retiré un petit morceau de son cortex. Et quelles conséquences ça a eu alors sur sa capacité effectivement, de lecture ? Effectivement, malheureusement, ça a eu comme conséquence le fait qu'il a perdu partiellement sa capacité à lire. C'est-à-dire que normalement, quand vous voyez un mot, même un mot un petit peu long, tac, en une fraction de seconde, quand vous êtes un lecteur adulte, comme ça, qui sait bien lire, vous reconnaissez le mot d'un coup, comme ça. Et chez ce patient, ça devenait beaucoup plus difficile. Il faisait, comme un petit enfant, lire la première lettre, la deuxième lettre, M, A, I, mais, M, A, I, S, maison, etc. Donc, un trouble de la lecture. Donc, c'était malheureux, évidemment, d'un point de vue médical, ça. Les choses sont améliorées par la suite pour lui, heureusement. Mais ça nous a appris que non seulement cette région précise avait un rôle vraiment important dans la lecture, puisqu'on avait avant et après, quand la région était là, quand la région était partie. Et ça, c'est une situation exceptionnelle. Et en plus, on avait des enregistrements électriques de cette même région avant la chirurgie et de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle chez le même patient aussi avant et après. Donc, c'est une manière de combiner le vieux et le nouveau. Le vieux de l'étude de patient et le nouveau de l'imagerie. Mais il y a quelque chose d'assez paradoxal dans tout ça, parce que notre cerveau d'être humain est le même que celui des Homo sapiens qui vivaient il y a plusieurs dizaines de milliers d'années sur Terre, qui n'avaient pas encore inventé l'écriture, donc encore moins la lecture. Donc, ça veut dire qu'on a dans le cerveau des petites zones qui préexistent à l'écriture et à la lecture, mais qui sont indispensables. Ça, c'est un problème. C'est extrêmement intéressant. C'est très profond parce que ce que ça veut dire, c'est que toutes nos inventions culturelles, la lecture, les maths, la musique, etc., etc., eh bien, doivent trouver leur place dans un cerveau qui n'est pas spécialement fait pour ça. Ouais. C'est le cas, évidemment, pour la lecture, puisque c'est une invention récente. Ça fait 5000 ans, des gens ont inventé des systèmes d'écriture. Avant, non. Donc, il y a un petit bout de cerveau où bon, je simplifie en disant qu'il y a un petit bout de cerveau, mais le cerveau doit s'adapter et créer d'une certaine manière un nouveau système. Et ce qui est remarquable, c'est que par exemple dans le système visuel, dans l'arrière du cerveau dont on a parlé tout à l'heure, il y a une petite région qui, quand vous apprenez à lire, quand vous êtes un enfant ou un adulte que vous apprenez à lire, elle développe cette spécialité. Il y a une petite région qui finalement apprend à reconnaître les lettres et leur ordre et ne sert plus que à ça. Ce qui fait que quand elle est endommagée, comme chez le patient dont on a parlé, eh bien on perd plus ou moins complètement la capacité de lire. Donc le cerveau a la capacité de plasticité qui est à la base de toutes nos inventions culturelles. Merci Laurent Cohen d'avoir fait souffler ce vent de curiosité sur nos synapses. Je rappelle le titre de votre dernier livre paru chez Odile Jacob, « Comment lire avec les oreilles ». Un grand merci à vous. Merci, au revoir. Tout à l'heure à 16h, nous partirons avec le plongeur Laurent Balesta explorer les profondeurs de la mer Méditerranée où il a passé 28 jours en juillet dernier. Mais dans un instant, les journalistes Cécile Bonneau, Mathieu Novak et Sophie Bécherel vont me rejoindre pour passer en revue l'actu scientifique de ces derniers jours. Show me the feeling. Oh, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie. Love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself. No need to die. I'm only human. I'm done. You got to put me on. I know when you come along. Don't hesitate. Time feels the pain, you ain't the problem. I point the gun at you for fun, you want the problem. I try to help myself, you are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling, I hear you calling. Don't hesitate, time heals the pain, you ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing, don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. You ain't the problem, Michael Kiwanuka sur France Inter. France Inter, du vent dans les synapses. autour de la table pour passer en revue l'actu des sciences de ces derniers jours et nous ébouriffer les neurones. Cécile Bonneau de Science et Vie, Mathieu Novak de Science et Avenir et Sophie Bécherel de France Inter. Bonjour et bienvenue à tous les trois. Bonjour. Ce chercheur est un homme heureux. Cela a pris 10 ans, mais nous pouvons à présent commencer l'expérience. C'est-à-dire développer des organes humains dans le corps d'animaux. Mais les chercheurs seront vigilants. Ils ne veulent pas retrouver des cellules de pancréas humain dans le cerveau d'un porc. En clair, ils ne veulent pas créer de monstres. Effroi pour les uns et espoir pour les autres autour des recherches menées par le japonais Hiromitsu Kaokashi. Mathieu Novak, des chimères homme-animal pourraient bientôt naître dans les laboratoires. Éclairez-nous un peu là-dessus. Alors ça se passe au Japon, au pays de la science-fiction, mais je vous rassure tout de suite, Daniel, le projet c'est pas de créer des monstres. Non, l'idée ici c'est de trouver une nouvelle solution au manque d'organes. Juste pour faire un petit rappel, chaque année en France on greffe 450 cœurs et il y a 1200 personnes sur la liste d'attente. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est hélas pas une solution pour demain, c'est vraiment de l'ordre du projet de recherche. Mais il s'est passé quelque chose d'important cet été, et ça, donc, ça se passe au Japon. Le gouvernement japonais a autorisé de créer des embryons avec des embryons animaux avec des cellules humaines. Alors, je vais décrire un petit peu ce qui se passe. Mm-hmm. Donc, c'est les travaux de Hiromitsu Nakauchi, qui est de l'université de Tokyo et de Stanford. Il a déjà, à plusieurs reprises, réussi un exploit assez particulier. C'est-à-dire qu'il a fait créer à des rats génétiquement modifiés des pancréas pour des souris. Alors, comment il fait ça? Il prend des rats, il bidouille un petit peu la génétique dedans et les empêche de fabriquer leur propre pancréas. Et là, il injecte des cellules de souris, des cellules pour fabriquer le pancréas. Le rat fabrique ce pancréas. Ce pancréas est ensuite pris et transplanté chez une souris diabétique. Et qu'est-ce qu'on observe? La souris, elle arrive à nouveau à réguler son taux de sucre dans le sang. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que les cellules de souris injectées dans le rat ne soient pas rejetées comme des cellules extérieures par le système immunitaire du rat. Alors c'est effectivement, je pense que la réponse, c'est que le rat et la souris sont des espèces relativement proches. Parce que ces chercheurs japonais ont voulu passer à une autre étape après, en 2018, de mettre des cellules humaines chez le mouton. Et là, ça a été... L'expérience a duré 28 jours, mais elle n'était pas concluante du tout. Mmh. À la fin, ils ont trouvé très peu de cellules. Donc la conclusion, c'est est-ce que les cellules sont trop éloignées? C'est pour ça que maintenant, ils veulent faire passer à l'étape suivante et passer chez le porc, dont les organes sont d'une taille comparable à celle de l'être humain, et chez le porc, étape par étape, voir si on peut faire développer des cellules humaines, faire jusqu'à terme. Le rêve, c'est de faire un porc qui fasse pousser un organe humain, que ce soit un cœur, un foie, un pancréas. Puis ensuite, le prélever... Ouais. Et le chez un porc où on ne sait pas, il y a eu une autre annonce cet été qui était assez surprenante de Juan Carlos Belmonte, qui est un chercheur du Salk Institute à San Diego, et il a annoncé avoir fait le premier homme-singe dans un laboratoire en Chine. On n'en sait pas plus, c'est un effet d'annonce. On attend la publication à venir. Que dit la France, la réglementation française sur ce type d'expérience? Parce que là, l'autorisation est donnée au Japon, c'est un peu une première mondiale. Là, ils sont un peu en pointe. Oui, c'est la première fois qu'on va avoir un projet comme ça. Parce que là, le but, c'est d'arriver jusqu'à une naissance, c'est-à-dire d'amener la gestation jusqu'au terme. Alors en France, c'est des projets qui pourraient pas avoir lieu. La loi de bioéthique va bientôt être révisée, mais même dans sa version révisée, elle interdira la création d'embryons chimères. Donc on n'en est pas encore là. Les chimères, c'est quand même une grande première française. C'est Nicole Le Doirin qui est la première à créer des chimères, non? Oui, oui, absolument. Alors c'était pas homme-animal. Absolument, mais alors on est... Quel type de chimère, Sophie Béchard? Caille-poulet. Caille-poulet. Oui. Mais là, on est maintenant, justement, la question, c'est, comme vous le disiez, c'est homme-animal, c'est, dès qu'il y a le terme humain, on est plus aujourd'hui sur des questions d'éthique et de législation que sur des questions vraiment de protocole de recherche et scientifique. Philosophique. Ouais. On a beau être un absolument. Animal... Ouais. C'est une bonne chose qu'on se pose des questions avant de faire ce genre d'expérience, oui, tout de même. C'est une bonne chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'animal va peut-être nous aider aussi d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres annonces cet été d'un autre chercheur, Sir Terence English, qui est le pionnier de la greffe du cœur chez l'humain il y a 40 ans, en 1979, et qui lui fait revenir une autre idée, c'est-à-dire de greffer directement des organes de l'animal chez l'humain. Donc c'est une autre approche, mais en tout cas, le salut de nos organes viendra sans doute de l'animal. Merci Mathieu Novak, on décolle pour la plus grande planète du système solaire. Née de poussière d'étoiles il y a 4,5 milliards d'années, Jupiter était la première planète du système solaire. Tout comme son homonyme, le roi des anciens dieux romains, Jupiter était destiné à la grandeur. Cécile Bonneau, vous nous parlez d'une collision cataclysmique survenue dans la prime jeunesse de la planète Jupiter il y a 4,5 milliards d'années. Oui Daniel, alors cette collision c'est une hypothèse formulée par une équipe de chercheurs menée par le chinois Shangfei Liu. La plus grosse géante gazeuse du système solaire aurait été percutée juste après sa formation par une planète en gestation grosse comme 10 fois la Terre. Alors pourquoi font-ils cette hypothèse ? Alors parce que les planétologues sont à la recherche d'une explication aux récentes découvertes de la sonde Juno qui survole Jupiter depuis 2016 et qui a mesuré le champ de gravité de la planète. Car ces mesures ont stupéfié les planétologues. Elles révèlent que le cœur de la planète géante, qui était censé être un noyau rocheux entouré d'une couche liquide, le tout enveloppé dans une épaisse atmosphère de gaz, eh bien en fait ce noyau est en quelque sorte dilué. Alors c'est assez difficile à s'imaginer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est vraiment ça en fait, le noyau de Jupiter est flou, il n'a pas de frontière nette entre l'enveloppe gazeuse et le cœur plus dense. Et ça, ça contredit complètement les modèles de formation des planètes qui marchaient très bien jusqu'à présent. Alors pour expliquer cette bizarrerie, il y a déjà eu quelques hypothèses, notamment l'idée que les mouvements de l'atmosphère aient pu éroder le cœur. Mais le planétologue Shangfei Liu et ses collègues ont été encore plus audacieux. Ils ont simulé numériquement la collision d'une jeune Jupiter, alors jeune mais déjà bien formée, avec son noyau rocheux et sa couche de gaz bien délimitée pour le coup. Et ils ont simulé donc la collision entre cette Jupiter et un gros planétoïde, comme il y en avait très certainement beaucoup à cette époque en vadrouille dans le système solaire. Or, cette simulation aboutit justement à une planète résultante avec un cœur dilué, à la Jupiter que l'on connaît donc aujourd'hui. Mais on le sait depuis longtemps qu'il y avait des planétoïdes errants dans le système solaire à l'époque de sa prime jeunesse. Alors pourquoi on imagine seulement aujourd'hui cette collision qui semble tout bien arrangée ? Oui, c'est vrai, on savait pertinemment, c'est même comme ça qu'on pense que la Lune a été créée, hein, par un choc, par une collision à cette époque entre la Terre et un planétoïde qui aurait projeté la matière en orbite. À l'époque, c'était un vrai billard stellaire, hein, ça tapait dans tous les sens. Un grand jeu de billard, mais on imaginait que Jupiter avait été épargné dans ce billard planétaire parce que son axe de rotation est normal. Il est vertical par rapport au plan du système solaire. Alors que ce n'est pas le cas de toutes les planètes. Hein. Mmh. Les axes de Saturne, d'Uranus et de Neptune sont très inclinés. Uranus est même complètement couché dans le plan du système solaire. Une planète qui a son axe un petit peu penché, c'est qu'elle a une chance de s'être mangée à un moment ou à un autre. On se dit qu'elle a été percutée. Donc l'axe vertical de Jupiter, au contraire, semblait montrer qu'elle avait été épargnée. Mais en fait, la simulation montre que l'impact, s'il a été parfaitement frontal, a pu laisser Jupiter imperturbable en apparence, bien droite sur son axe, quoi, alors que son cœur était réduit en miettes. Et alors la partie de billard planétaire de la semaine, c'est pas terminé, hein, d'autres pistes dans ce domaine. Il y a une autre histoire amusante d'impact qui vient de sortir, c'est le journal Science qui rapporte qu'à une conférence à Barcelone la semaine dernière, des géologues ont annoncé avoir daté le cratère de Yarrabubba en Australie à 2,229 milliards d'années. Or, 2,229 milliards d'années, c'est peu ou prou le moment où la Terre est sortie d'une de ces périodes glaciaires planétaires dites de Terre-boule de neige, une période glaciaire. Et donc, les chercheurs se disent que cette coïncidence n'en est peut-être pas une et que l'impact de la météorite de Yarrabubba a pu vaporiser une importante quantité de glace qui, projetée dans la stratosphère, a créé un effet de serre qui a sorti la Terre de sa boule de neige. Alors, c'est très débattu encore, mais je trouve l'idée amusante parce qu'on a tendance à penser que les météorites sèment la mort et la désolation, hein, avec l'extinction des dinosaures, par exemple, alors que finalement, peut-être il y en a une qui a été bénéfique à la vie. Voilà, une météorite qui serait venue réchauffer l'atmosphère terrestre. Mathieu ? Ce que je trouve vraiment étonnant, c'est qu'on prend cette image de billard, effectivement, mais en fait c'est un billard où les billes sont quand même toutes petites et on ne parle que d'événements extrêmement improbables. Et finalement, on voit notre système solaire, là vous le rappeliez, par exemple pour la Lune, c'est le résultat d'un crash, Vénus, elle tombe dans le mauvais sens, Uranus qui est penché, tout ça finalement, chacune de nos planètes dans le système solaire est le fruit d'un événement extrêmement improbable. Improbable, sauf que les billes sont petites, mais elles sont nombreuses et sur un grand laps de temps. Oui, ce qui justifiait que ils ont eu beaucoup de temps de se croiser avant de finir par se rencontrer. Comme en témoignent tous les cratères qu'on voit sur la Lune, par exemple. On redescend sur Terre et on file en Amérique du Sud. Nous sommes face à un cas sans précédent dans l'archéologie péruvienne, avec ce nombre massif, je dirais biblique, de personnes, en particulier des enfants, qui ont été sacrifiés dans ce lieu. L'archéologue Gabriel Prieto évoquant une découverte faite il y a un an. Et Sophie Bécherel, nous avons appris cette semaine la mise au jour d'un nouveau groupe encore plus important d'enfants sacrifiés pendant la période Chimou. Alors les Chimou sont un peuple précolombien dont les rites n'en finissent pas de surprendre les archéologues. Tout ça se passe au Pérou. Oui, sur la côte nord du pays précisément. On est là, alors avant l'arrivée des Espagnols bien évidemment, avant même la civilisation Inca, et ce groupe Chimou va créer l'une des plus grandes civilisations précolombiennes. Ils ont régné pendant un demi-millénaire, de 900 à 1470 environ, et leur capitale, Chanchan, qui est aujourd'hui devenue Huanchaco, est effectivement l'épicentre de découvertes exceptionnelles. Et alors, cette toute dernière campagne de fouilles se situe sur une dune, bon, 20 mètres de hauteur, ça n'est pas très haut, mais effectivement, elle a révélé la présence de 227 enfants sacrifiés, âgés de 4 à 14 ans, et ils portent tous un stigmate commun, exactement comme ceux qui avaient été trouvés il y a plus d'un an. Une entaille au thorax, au niveau donc du sternum, la cage thoracique a été ouverte, selon toute vraisemblance, pour arracher le cœur. Alors, l'état de conservation de ces enfants, qui n'ont pas été trouvés dans un seul endroit, mais regroupés, mais quand même dans une zone assez petite, mais ce sont des petits îlots, en fait, de squelettes. Et ils ont tous été sacrifiés au même moment c'est ce qu'on ne sait pas, et c'est ce que la datation nous dira. Ouais. Mais en tout cas, ces enfants-là, ces 227 enfants sont dans un état de conservation bien meilleur que ceux trouvés les années passées. Il y a certains encore de la peau, des cheveux et puis leurs vêtements. Ils étaient habillés, ce qui signifie que la datation va permettre d'être très très précis et de savoir si le sacrifice a eu lieu en quelques jours, quelques semaines ou quelques années. En tout cas, dans le cas de ces nouvelles fouilles comme de celles des années passées, ce que les scientifiques disent, c'est qu'on a bien affaire à un sacrifice d'enfants. D'une part parce que la position des enfants n'est pas anormale, ils ont la tête orientée vers l'océan, qu'il n'y a pas de mobilier enterré avec eux, ils sont tout seuls, ils sont jeunes et ils sont à côté de camélidés, des lamas et des alpacas. Et ces animaux étaient très précieux pour les Chimou, dans la mesure où ça servait à se vêtir, à se nourrir et également comme moyen de transport. Donc les animaux aussi ont été sacrifiés. Les animaux aussi ont été sacrifiés. Il y en a un très très grand nombre. Et c'est donc la proximité de ces deux groupes qui fait dire, et aussi parce que le fait que les Chimou n'ont pas la réputation d'un peuple guerrier. Et donc ça fait dire aux chercheurs qu'il s'est passé quelque chose, que ça n'était pas un rituel classique. C'est pas un rituel funéraire classique. Oui. Et les enfants sont jeunes. Mais pourquoi ont-ils sacrifié plus de 200 enfants de 4 à 14 ans? Exactement. Puisque ça n'est pas une mort naturelle, puisque ça n'est pas le résultat d'un combat, c'est vraisemblablement qu'il s'est passé un événement extérieur très frappant pour la communauté. Et les premières études et des précédentes fouilles ont montré que c'est très vraisemblablement un épisode climatique extrême qui a fait tomber un déluge, si vous voulez, des trombes d'eau sur cette région. Très vraisemblablement lié au phénomène El Niño, ce réchauffement de l'océan Pacifique qui saisonnièrement et de façon régulière provoque justement des épisodes climatiques tout à fait extrêmes. Et donc pour apaiser la colère des dieux, les Chimou ont sacrifié des enfants. Allez, on termine avec un dernier tour de table. Nous n'allons pas rester sur ces enfants sacrifiés. Alors en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Cécile Bonneau. Ah, moi j'ai un sujet plus mignon quand même, c'est les œufs des oiseaux qui communiquent entre eux. On s'est rendu compte en fait que les embryons à l'intérieur des œufs des oiseaux, en l'occurrence ici c'est des goélands, sont sensibles aux cris d'alarme de leurs parents, les cris que poussent les parents quand ils voient des prédateurs principalement. Et quand les œufs ont été souvent soumis à des cris, et on se rend compte qu'ils éclosent plus tard que les autres, qu'ils donnent des bébés qui sont plus réactifs au danger, plus calmes et aussi de plus petite taille. Et là, des chercheurs espagnols ont montré que quand on soumet un œuf aux cris d'alarme de ses parents et qu'après on le replace dans le nid parmi d'autres œufs qui, eux, étaient élevés dans le silence, l'œuf qui est informé du danger communique cette information aux autres. En fait, celui qui a été stressé, il vibre, et cette vibration est perçue par ses frères qui, eux aussi, se mettent à éclore plus tard et sont plus calmes et plus petits. Ouais. On discute à travers la coquille. Mathieu Novak, une belle petite histoire d'animaux. Ah oui. Vous savez, les chiens, quand ils vous regardent, Daniel, ou autre chien, quand il lève son sourcil, qu'il fait les gros yeux, qu'il a l'air triste comme un humain, que vous avez juste envie de lui faire un gros câlin. Eh bien, on s'est rendu compte que tous les chiens savent faire ça, et c'est une spécificité canine. C'est des chercheurs de l'université de Portsmouth, au Royaume-Uni, qui ont comparé les structures faciales des loups, les muscles chez le loup et chez le chien. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Que le chien, et aucun loup, a un muscle spécial juste au-dessus de l'œil pour le lever tendrement et qui sait très bien s'en servir. Et que sans doute, au cours de la domestication du chien, donc depuis 33 000 ans, les humains ont préféré les chiens qui savaient lever le sourcil, à qui on avait envie de faire des câlins, et tous les chiens aujourd'hui savent le faire. On peut peut-être s'en servir aussi, nous, maintenant qu'on sait ça, relever les sourcils pour attendrir. Sophie Bécherel. Va-t-il falloir envoyer Hercule Poirot ou tout un système de caméras de surveillance dans la Station Spatiale Internationale? La question est posée parce que figurez-vous qu'on a un premier cas de délit commis dans l'espace. Premier délit extraterrestre, finalement. Oui, exactement. L'astronaute Al-Anne McLean, en effet, est accusée d'usurpation d'identité à bord de l'ISS. Elle a accédé de façon illégale au compte en banque de son ex-épouse alors qu'elle était donc en mission pour 6 mois dans la station. Alors, c'est sûr que regarder les mails de son ex-conjoint quand on est séparé, c'est pas bien. Surtout, mais enfin, en même temps, c'est facile si vous avez les mots de passe et puis si vous aviez auparavant une confiance réciproque. Oui, mais c'est étonnant d'avoir fait ça. Voilà, donc l'ancienne compagne a déposé plainte auprès de la Commission fédérale du commerce, sa famille aussi. L'astronaute, elle, s'est défendue en disant que parce qu'elles ont un enfant en commun, elles voulaient juste vérifier que des histoires de virements de pension alimentaire étaient bien effectuées. En tout cas, c'est la première fois qu'un délit est commis dans l'espace. Dans ces cas-là, on dépend de quelle juridiction quand on commet un délit. La plainte a été déposée à la Commission fédérale du commerce, on va voir. Mais la NASA enquête. Une des questions, c'est de savoir dans quel module, à qui appartient un module. Exactement, imaginez qu'elle ait fait ça dans le module européen. Merci Sophie Bécherel. Cécile Bonneau, en couverture du Science et Vie en kiosque. La matière noire, des alternatives aux théories habituelles de la matière noire. Mathieu Novak, pour Science et Avenir. Pour Science et Avenir, je voudrais surtout faire un petit clin d'œil à notre nouveau journal qui s'appelle Hashtag Science, un journal pour les jeunes à partir de 14 ans, dont le premier numéro est paru cet été. Il va y avoir un deuxième numéro début septembre. Merci à tous les trois. Est-ce que vous avez reconnu la personne qui s'est assise autour de la table? Oui, elle a passé des drôles de vacances. Oui, c'est Laurent Balesta, plongeur naturaliste. Bonjour Laurent. Bonjour à vous tous. Bienvenue, merci d'être venu de Montpellier jusqu'à nous. Alors après avoir photographié pour la première fois dans les profondeurs le sélacanthe, un poisson que l'on croyait disparu, après avoir effectué de longues plongées dans les eaux gelées qui bordent l'Antarctique, après avoir filmé 700 requins dans la nuit de Polynésie, vous avez réalisé une nouvelle expédition d'envergure en juillet dernier, 28 jours, enfermés dans une station marine pour explorer les profondeurs de la mer Méditerranée. Comme jamais ça n'avait été fait auparavant, avec cette expédition, Laurent, vous avez réalisé un rêve que vous aviez en vous depuis 18 ans, c'est ça? Ouais, je suis un peu idée fixe. Ouais, la suite dans les idées. Hein. Cette envie, elle est née de... Paradoxalement, ça a commencé il y a une vingtaine d'années quand on a commencé à faire des plongées très profondes en Méditerranée avec des nouveaux scaphandres qui nous donnaient ces possibilités d'aller très bas jusqu'à 200 mètres pour moi. Et donc on vivait un privilège. Tout à coup, on avait accès à des profondeurs incroyables. On se sentait vraiment privilégié. Et le paradoxe, c'est qu'en même temps que naissait ce privilège, naissait une frustration énorme. C'est qu'on allait à ces grandes profondeurs, mais on pouvait pas y rester bien longtemps. Parce que on était rattrapé par notre physiologie et que pour quelques minutes passées à ces grandes profondeurs, il y avait des heures et des heures de décompression. Vous allez nous raconter, Laurent Balesta, comment s'est passé ce rêve devenu réalité? Est-ce qu'il a été à la hauteur de vos attentes? À tout de suite. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate, but don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. C'était Don't Worry, Be Happy, Bobby McFerrin sur France Inter. Et dans un instant, juste après le flash, on se retrouve avec le naturaliste Laurent Balesta pour plonger dans les profondeurs de la mer Méditerranée.